Dis-moi petite aurore, où tu t'en vas quand tu t'endors? Dis-moi petite aurore, ensemble on serait bien plus fort. De la vallée ou dans les dunes, je te revois chasser la lune. Et quel que soit le paysage, j'aimerais chasser tes nuages. Toi créature sous-marine, toi ma princesse, toi mon non-dit. Maintenant tu touches les cimes, la vie sans toi, quoi ça rime? Dis-moi petite sirène, où et comment rejouer la scène? Dis-moi petite sirène, pourquoi ce remède à tes peines? T'es parti pour le grand voyage, celui qu'on fait quel que soit l'âge. Tu n'as pas toujours été sage, mais t'as laissé une belle image. Toi créature sous-marine, toi ma princesse, toi mon on-dit. Maintenant tu touches les cimes, la vie sans toi, à quoi ça rime?